On commence, Inch'Allah. Inna alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu, wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. On commence aujourd'hui le cours numéro 47 dans l'explication de Kitab Aqidatu Ahli Sunnah wal Jama'a de Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymeen. Et on est arrivé à l'endroit dans le livre où le Cheikh il dit wa nu'minu bi annahu ta'ala fa'alun lima yurid wa nu'minu bi anna iradatahu ta'ala naw'an كونية يقع بها مراده ولا يلزم أن يكون محبوبا له وهي التي بمعنى المشيئة كقوله تعالى ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وشرعية لا يلزم بها وقوع المراد ولكن يكون المراد بها ولكن لا يكون المراد بها لا يلزم بها وقوع المراد ولا يكون المراد فيها إلا محبوبا له كقوله تعالى والله يريد أن يتوب عليكم نعم. Ok, donc on va expliquer cette partie-là, Inch'Allah. Ça c'est la suite dans le livre. Et dans la traduction de ce passage qu'on vient de lire, bon, ils l'ont traduit d'une manière, Inch'Allah, nous on va le traduire d'une manière aussi, Inch'Allah, s'il y a des ajustements à faire dans leur traduction, la traduction de Dar es Salaam, ils ont traduit ainsi. Et nous croyons que Allah le Très-Haut, et yani qu'il est fa'alun lima yurid. Naam. Et eux ils ont traduit ce verset là par fa'alun lima yurid, c'est un verset dans sourate Al-Buruj dans le Coran, dans les dernières sourates du Coran. Fa'alun lima yurid, ils l'ont traduit par yani il fait toujours ce qu'il veut. Dans la traduction de Malik Fahad, rahimahullah, ils l'ont traduit comment? On va voir s'il y a une différence. Naam, Al-Buruj, fa'alu lima yurid. Ils l'ont traduit par il réalise parfaitement tout ce qu'il veut. Donc il y a quand même une différence, hein? Il fait toujours ce qu'il veut, et dans l'autre traduction, il réalise parfaitement tout ce qu'il veut. Donc je pense que la meilleure façon pour comprendre ce verset-là, lorsqu'on retourne à la signification de fa'al, et là, de toute façon, on va le voir lorsque on va lire l'explication, mais le mot en arabe, fa'al, c'est, on dit en arabe, siratu mubalagha. Fa'al. C'est le modèle de ce verbe, de ce, cette sorte de verbe, c'est le modèle, c'est fa'alun, ou bien de ce verbe, de cette forme de nom plutôt, parce que c'est pas un verbe. C'est la forme superlative, si on veut, du fa'il. Et en arabe, le fa'il, c'est le sujet, celui qui fait l'action. Donc quand on l'utilise dans sa forme ordinaire, on dit fa'il. Donc on dirait fa'ilun lima yurid. Hein, il fait ce qu'il veut. Fa'ilun lima yurid. Mais ici, Allah, il dit pas fa'ilun lima yurid, il dit fa'alun lima yurid. Et fa'al, c'est, comme on a dit, une forme dans laquelle il y a un sens pour donner le sens de quelque chose qui est fait, mais qui est fait en grande quantité ou de nombreuses fois. Hein? Le nombre de fois ou le nombre de quantités ou la grandeur des choses qui sont faites. Donc, quand on dit de fa'al, à la wazni fa'al, ça veut dire, hein, comme par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala, on dit qu'il est ghafir. Un de ses noms, c'est al-ghafir. Al-ghafir, ça veut dire le pardonneur. Et al-ghaffar, ça veut dire celui qui pardonne énormément. Donc il y a une différence entre ghafir et ghaffar. Fa'il, fa'al. Vous comprenez la forme? Par exemple, Allah, il est al-raziq. Al-raziq, celui qui donne le risque. Et al-razaq. Al-razaq, celui qui donne constamment et énormément de risques. C'est comme une accentuation du fa'il. Et donc ici, Allah, il ne dit pas qu'il est fa'ilun lima yurid, il dit qu'il est fa'alun lima yurid. Hein? Donc ça veut dire qu'il fait énormément. Hein? Et Cheikh Ibn Uthaymin, il explique, c'est dans le verset 100, le verset dans Surat Al-Buruj, Naam, comme on a dit, les constellations, le verset 16. Et ici, je ne sais pas, dans le livre en arabe, ils ont écrit le verset 107 dans Surat Hud. Attends, je vais vérifier. Des fois, parce que ça arrive des fois que plusieurs choses sont mentionnées à plusieurs endroits, sauf que ici, il n'y a pas cette signification-là. Donc, وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِدُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Donc, c'est une erreur dans le livre ici quand ils ont mentionné le verset 107 dans Surat Hud pour fa'alun lima yurid, puisque c'est dans le verset 16 dans Surat Al-Buruj. Non. Donc, on va revenir. Maintenant, on va commencer à lire l'explication du verset. Cheikh Ibn Uthaymin dit: "Wa qawluhu wa nu'minu bi annahu ta'ala fa'alun lima yurid." هذه الآيات في الإرادة. فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ. Donc le sujet et le thème dont on va parler maintenant, c'est le sujet d'un des attributs d'Allah qui est al-irada. Al-irada qui signifie la volonté d'Allah. D'accord? Donc les points qu'on va mentionner à partir de maintenant, sont des points qui parlent de l'attribut de la volonté d'Allah. Al-irada. Et il y a aussi la volonté qui est exprimée par un autre terme aussi dans la langue arabe. On dit al-mashi'a. Al-mashi'a et al-irada. Ces deux termes-là sont employés pour désigner la volonté d'Allah. Sauf que al-mashi'a, on va voir qu'il y a une différence. Il y a une différence entre al-mashi'a et al-irada. Et que al-irada, il se divise en deux catégories. On va le voir tout de suite, Inch'Allah, juste après ça. Donc le cheikh explique, il dit ونؤمن بأنه تعالى فعال لما يريد، وهذه الآيات في الإرادة، فعال لما يريد فعال صيغة مبالغة، فكل ما أراده فعله عز وجل، ولا يمتنع عليه شيء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت. أما المخلوق فليس فعالا لما يريد، لأنه قد يريد الشيء ويعجز عنه، وقد يريده مع القدرة ثم يحال بينه وبينه، ولكن الله عز وجل لا يسأل عما يفعل، لقول الله تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، أي أن كل ما فعله فهو لحكمة لا عبثا، ولذلك لا يسأل عما يفعل. أما غيره من الفاعلين فإنه يسأل: لما فعلت هذا؟ فيقول: فعلت لكذا وكذا. وقد تكون هذه الغاية مذمومة. Donc on va traduire ça maintenant. Le cheikh il explique que donc le verset fa'alu lima yurid, il fait tout ce qu'il veut. Il fait constamment et continuellement tout ce qu'il veut. Et on parle donc des versets au sujet de la volonté d'Allah, al-irada. Et quand il dit fa'alu lima yurid, on l'a expliqué tout à l'heure, c'est une forme qu'on appelle en arabe siratu mubalagha, pour exagérer ou bien pour montrer le sens, comment tu avais dit tout à l'heure, accentuer, non, donc c'est dans ce sens là aussi. Et il dit donc tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala veut, il le fait, fa'alu lima yurid, et il n'y a rien qui lui est impossible ou empêché, ou qui peut l'empêcher de faire ce qu'il veut faire. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith, et ça c'est dans un dua qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, selon Al-Mughira ibn Shu'bah, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait: la mani'u lima a'tayt, c'est-à-dire personne ne peut empêcher ce que tu as donné ou retenir ce que tu as donné. Wala mu'ti lima mana'at, et personne ne peut donner ce que tu as retenu ou ce que tu as empêché qu'on donne. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, il fait ce qu'il veut, tandis que les créatures, elles ne font pas tout ce qu'elles veulent, parce que parfois quelqu'un peut vouloir faire quelque chose mais en être incapable. Parfois quelqu'un veut faire quelque chose et elle en a la capacité, sauf qu'il y a quelque chose qui vient s'interposer entre elle et la chose en question, et qui fait qu'elle ne peut, elle ne peut pas la faire par la suite. Donc ça c'est le cas de la créature, tandis que Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a rien qui peut l'empêcher de faire ce qu'il veut faire. Et en même temps aussi, personne ne peut questionner Allah à propos de ce qu'il fait. Donc personne ne peut demander à propos d'Allah, pourquoi as-tu fait telle chose, ou pourquoi fais-tu telle chose, ou pourquoi as-tu créé telle chose. Personne n'a le droit de poser de questions de ce genre à propos d'Allah, à propos de ce qu'il fait. Et il y a le verset justement à ce sujet-là dans le Coran: la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Oui, c'est le verset 23 dans Sourate Al-Anbiya. Il n'est pas interrogé sur ce qu'il fait, mais ce sont eux qui devront rendre des comptes et être interrogés. La yus'alu, c'est-à-dire, c'est la forme passive. Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas questionné. La yus'alu, on ne lui demande rien. Wahum yus'alun, la yus'alu amma yaf'alu, il n'est pas questionné, on ne lui pose pas de questions sur ce qu'il fait. Wahum yus'alun, tandis que eux, ils seront questionnés. Et il dit: ay أن كل ما فعله فهو لحكمة. Pourquoi? Parce que tout ce que Allah fait, il le fait par sagesse. Il le fait par une, pour une sagesse, pour une raison qui est sage et qui est bonne. La abathan, c'est-à-dire, il y a rien qu'il fait, il y a rien de ce que Allah fait qui est fait en vain ou pour sans sagesse ou pour rien. Hein? Des actions inutiles. Non, Allah ne fait pas d'actions inutiles, ne fait pas de choses en vain. Tout ce que Allah fait, c'est pour une raison et un but qui est sage. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas le questionner sur ce qu'il fait. Tandis que les autres, parmi les gens qui font des choses, les créatures qui agissent et qui font des actions, ils sont questionnés. Hein? Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as fait ça? Et la personne va répondre, j'ai fait telle chose pour telle raison, pour telle raison. Et la raison en question peut être une raison qui est louable ou blâmable. Hein? Tandis que Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce qu'il fait, c'est pour une sagesse. Et c'est pour une raison qui est louable. Naam. Même si parfois les créatures peuvent penser que ce n'est pas le cas. Parfois des créatures peuvent ne pas comprendre la sagesse dans les actions d'Allah subhanahu wa ta'ala et ne pas comprendre où se tient la sagesse. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il ne fait rien excepté que c'est pour le bien et que c'est pour une sagesse. Ensuite, le cheikh il dit وَإِذَا فَإِذَا قَالَ قَائِلْ هَذِهِ بِالنِّسْبَةِ هَذِهِ بِالنِّسْبَةِ لِمَا لَمْ يَكُنْ فَيَكُونُ وَاضِحًا يعني يريد الشيء المعدوم فيكون ولكن إذا أراد أن يعدم شيئا فهل يصح أن نقول إنه فعال لما يريد؟ نقول نعم لأن الإعدام داخل في الفعل. Donc quelqu'un a posé la question, comme si le cheikh il dit, supposons que quelqu'un pose la question à propos de يعني des actions que Allah fait. Hein? On dit que que Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce qu'il fait, c'est pour une sagesse. Et il dit que ça, c'est par rapport aux actions lorsque Allah fait quelque chose et qu'il crée quelque chose qui n'existait pas. Quelque chose qui n'existait pas et puis il l'a créé ou il l'a fait. Hein? Il l'a fait exister. Ça, c'est clair. Mais il dit donc le cheikh il dit, donc c'est clair que si quelqu'un c'est clair que si Allah subhanahu wa ta'ala veut quelque chose, hein, et il veut que quelque chose existe par exemple, et que cette chose elle n'existe pas et il veut qu'elle existe, alors par le fait qu'il veuille son existence, cette chose là existe, comme dans le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala innahu idha arada shay'an innama qawluhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il veut que quelque chose existe, il n'a qu'à lui dire soit et elle est. Donc le cheikh il dit, donc si quelqu'un pose la question, ça c'est par rapport à des choses qui n'existaient pas et que Allah a créé, ça c'est clair. Toutefois, que dire? Est-ce que c'est correct ou est-ce que c'est exact de dire ça également pour des choses qui existent et que Allah détruit ou anéantit? Est-ce que ça aussi, ça rentre dans les actions d'Allah? Et est-ce qu'on peut dire ici à propos de ça aussi qu'il fait ce qu'il veut? Et le cheikh il répond, il dit oui. Parce que le fait de détruire quelque chose ou d'anéantir quelque chose, ça rentre aussi dans les actions. Ça rentre aussi dans les actions. Ensuite, il explique la suite de la parole de Cheikh Ibn Uthaymeen. Cheikh il explique sa parole ensuite quand il dit وَنُؤْمِنُ بِأَنَّ إِرَادَتَهُ تَعَالَى نَوْعَان. Et nous croyons que la volonté d'Allah est divisée en deux catégories. Donc le Cheikh il va expliquer maintenant. Il dit قَوْلُهُ وَنُؤْمِنُ بِأَنَّ إِرَادَتَهُ تَعَالَى نَوْعَان. لو قال قائل ما الذي دلنا على أنها نوعان قلنا أن كثيرا من مثل هذا التعبير يدل عليه التتبع والاستقراء يعني أننا تتبعنا الآيات أو تتبعنا آيات الإرادة فوجدناها لا تخرج عن هذين النوعين. Donc le cheikh il dit ici que nous croyons que la volonté d'Allah est divisée en deux catégories, ou elle est de deux catégories. Et le cheikh il dit, si quelqu'un nous demande, si quelqu'un nous demandait la question, qu'est-ce qui nous prouve que la volonté d'Allah est de deux catégories? Et ce sujet-là, c'est un sujet qui est assez subtil. Donc c'est bien de porter une bonne attention et de bien écouter attentivement pour bien comprendre ce sujet-là, parce que c'est assez, comme je vous dis, c'est assez subtil. Puis beaucoup de gens sont déviés dans cette question-là parce qu'ils ont mal compris cette question-là. Donc c'est vraiment important de vraiment porter attention, puis d'être très attentif pour bien comprendre les détails et les subtilités de ce sujet-là. Donc le cheikh il explique que si quelqu'un nous pose la question ou dit, qu'est-ce qui prouve que Allah subhanahu wa ta'ala, sa volonté est de deux catégories ou de deux sortes, il répond, le cheikh il dit que dans beaucoup de ce genre d'expression, lorsqu'on dit que telle chose se divise en tel nombre de catégories, comme par exemple le tawhid se divise en trois catégories, ou le qadar se divise en 4 degrés, ou bien yani ici al-irada, la volonté d'Allah se divise en deux sortes ou en deux catégories. Le cheikh il dit souvent ces choses-là sont prouvées par qu'est-ce qu'on appelle en arabe dalil at-tatabbu' wal-istiqra. At-tatabbu' wal-istiqra. Qu'est-ce que ça veut dire at-tatabbu'? Ça veut dire le fait de suivre. Et al-istiqra, ça veut dire de lire dans le but de chercher ou de trouver une signification ou un sens. Donc le cheikh dit que la preuve qu'il y a deux catégories ou deux sortes de volonté de la part d'Allah pour Allah, la preuve de ça, c'est lorsque tu lis dans le Coran, lorsque tu lis dans les hadiths, tous les versets, tous les hadiths qui parlent de la volonté d'Allah, eh bien tu trouves que c'est pas possible de sortir de ces deux catégories-là. Il n'y en a pas plus que ça. Il n'y en a pas moins que ça aussi. Donc, quand les ulama, ils ont lu tous les versets et les hadiths qui parlent au sujet de la volonté d'Allah, ils ont constaté que ça se divise en deux catégories. Et les deux catégories sont les suivantes, al-kawniya wa al-shar'iyya. Al-kawniya wa al-shar'iyya. Donc, on va expliquer qu'est-ce que les deux signifient dans le sens linguistique. Puis après, on va continuer l'explication de Cheikh Ibn Uthaymeen. Donc, il dit, أولاً كونية يقع بها مراده ولا يلزم أن يكون محبوباً له. Donc, pour revenir à la traduction de Dar es-Salam, comment ils l'ont traduit ça? Ils ont dit une volonté qui se rapporte à ses décrets. Ils l'ont traduit kawniya par décret, mais je ne trouve pas que c'est nécessairement la meilleure traduction. Ils ont dit donc, nous croyons que sa volonté est de deux types. Ils ont dit une volonté, la première c'est al-kawniya, la volonté qui se, ils l'ont traduit par, qui se rapporte à ses décrets, kawniya. Par cette volonté, ce qu'il veut se réalise sans que cela lui plaise nécessairement. Dans ce cas, on utilise le terme arabe « mashi'a » dans les paroles du Très-Haut, dans les paroles du Coran. Bon, ça on va y revenir. Donc, « kawniya », Cheikh Ibn Uthaymeen, il explique lui-même, il dit « awwalan iradatun kawniya » يعني أراد هذا الشيء كوناً. Donc, kawniya, ça vient de kawn, al-kawn. Et al-kawn, ça vient du verbe kana yakunu. Al-kawn, c'est la création. Okay? Al-kawn, c'est la création. Et souvent, quand on utilise le terme al-kawn, c'est pour désigner toute la création ou bien l'univers, tout ce qui existe. On appelle en arabe al-kawn. Donc quand on dit al-iradatul kawniya, moi la traduction que j'emploie pour désigner cette forme de volonté, c'est la volonté dans la création, la volonté d'Allah dans sa création, d'accord, c'est-à-dire tout ce que Allah a créé et tout ce qu'il a prédestiné, d'accord. Donc ça, c'est la volonté d'Allah qui a trait à ce qu'il a créé et à ce qu'il a prédestiné, d'accord. Et il explique, le cheikh, il dit يَقَعُ بِهَا مُرَادُهُ. Dans cette volonté-là, tout ce qu'il a voulu doit se produire. Tout ce qu'il a voulu dans sa création et tout ce qu'il a prédestiné dans sa création doit se produire obligatoirement. Il n'y a rien de ce qu'il veut qui peut sortir, il n'y a rien de ce qui est dans sa, de ce qu'il a voulu qui peut, hein, qui peut yani, faire autrement que se produire tel qu'il l'a voulu. Mais il dit, mais ça ne veut pas dire que ce qu'il veut dans sa création ou dans ce qu'il a prédestiné, que c'est quelque chose qu'il aime nécessairement. Ça veut dire que, en ce qui concerne al-iradatul kawniya, en ce qui concerne la volonté d'Allah dans ce qu'il a créé et dans ce qu'il a prédestiné, c'est possible que ce soit quelque chose qu'il aime ou quelque chose qu'il n'aime pas. D'accord? Donc c'est possible que ce soit quelque chose qu'il aime ou c'est possible que ce soit quelque chose qu'il n'aime pas. En fait, c'est le qadar. C'est pour ça que les ulama disent al-iradatul kawniya al-qadariya. Des fois, ils disent ça aussi. Et le cheikh, il explique ça en disant قوله يقع بها مراده ولا يلزم أن يكون محبوبا فقد تكون فيما يحب وما لا يحب. فمثلا المعاصي هي مرادة لله كونا ولكنها ليست محبوبة لله، والطاعات إذا فعلها العبد هي مرادة لله كونا وهي محبوبة لله تعالى. إذن الإرادة الكونية يقع بها المراد ولا يمكن أن يتخلف، لأنه تعالى فعال لما يريد، ولا يلزم أن يكون المراد بها محبوبا لله عز وجل، فقد يريد ما لا يحبه. Okay, on va traduire ça. Le cheikh, il explique qu'est-ce qu'on a dit précédemment, que ce que Allah a voulu dans sa création et dans sa prédestination doit se produire. Mais cela ne signifie pas que c'est quelque chose qu'il aime. Et il dit, c'est-à-dire que c'est possible que ce soit quelque chose que Allah aime ou que Allah n'aime pas. Ça peut être ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas aussi. Et donne des exemples. Donc, écrivez les exemples pour comprendre bien comme il faut, parce qu'il n'y a rien de mieux que des exemples pour bien comprendre quelque chose. Donc, il dit, par exemple, les péchés que les êtres humains font, hein? Toutes les sortes de péchés. Le plus grave de tous les péchés, c'est quoi? C'est le shirk. Hein? Même le shirk. Hein? Si ça existe, si ça se produit, c'est parce que Allah l'a voulu dans sa création et c'est parce que Allah l'a prédestiné. Mais ça ne veut pas dire que c'est quelque chose que Allah aime. Hein? Ça ne veut pas dire que parce que ça se produit que Allah l'aime nécessairement. Tandis que les actes d'obéissance, je donne un autre exemple, mais un exemple contraire. Les actes d'obéissance que font les serviteurs, elles sont faites par la volonté d'Allah, parce que Allah a voulu qu'elles soient faites et Allah les a prédestinées et elles sont aimées d'Allah. Elles sont aimées d'Allah. Donc, le cheikh, il dit, donc, on peut dire que la volonté dans la création, elle doit se produire telle que Allah l'a voulu. Et il n'est pas possible que ce que Allah a voulu dans sa création et dans sa prédestination ne se produise pas. Pourquoi? Parce que il fait tout ce qu'il veut. Hein? Et tout ce qu'il veut, hein, dans sa création et dans sa prédestination, ça se produit. Mais ça ne veut pas dire nécessairement que ce qu'il a voulu dans sa création et dans sa prédestination, il l'ait nécessairement aimé. C'est possible que quelque chose, il l'ait voulu sans qu'il ne l'aime nécessairement. Comme par exemple le kufr, le shirk, les péchés, le zina, l'alcool, hein, toutes les autres crimes et les autres péchés. Et donc ici ensuite il pose une question. Et ça c'est une question pour faire réfléchir et pour faire mieux comprendre le sujet. Il dit فَإِذَا قَالَ قَائِلٌ كَيْفَ يُرِيدُ مَا لَا يُحِبُ هَلْ أَحَدٌ يُجْبِرُهُ لِأَنَّنَا لَا نَرَى أَحَدًا يُرِيدُ مَا لَا يُحِبُ إِلَّا مَعَ الْإِكْرَاهِ فَالْجَوَابُ لَا مُكْرِهَ لَهُ ولكنه سبحانه وتعالى يريد ما لا يحب لمصلحة تربو على مفسدة كونه يكرهه الله عز وجل فكفر الكافرين مراد لله عز وجل ولولا ذلك لانتفت الحكمة من الخلق كله قال تعالى هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن ولولا هذا الاختلاف لباطل الأمر والنهي ولا يمكن أن يكون الأمر والنهي ساري المفعول مفيدا إلا باختلاف الناس إلى مؤمن وكافر وعاص ومطيع. Donc le cheikh il pose la question, il dit comment est-il possible que Allah veuille quelque chose mais qu'il ne l'aime pas? Est-ce que quelqu'un le force à faire quelque chose? Hein? Parce que la plupart du temps, la personne elle pose la question. Elle dit, parce que nous savons que lorsque, en général, quelqu'un parmi les êtres humains veut quelque chose qu'il n'aime pas, c'est parce qu'il est contraint à le faire. En général, chez les êtres humains, c'est comme ça. Hein? Si tu fais quelque chose que tu n'aimes pas faire, ou que tu permets quelque chose que tu n'aimes pas, en général c'est parce qu'on t'a forcé, hein? Ou qu'on t'a contraint. Donc est-ce que quelqu'un force Allah ou contraint Allah de faire quelque chose qu'il n'aime pas? Et le cheikh il répond à ça, il dit non, personne ne peut contraindre Allah subhanahu wa ta'ala. Mais Allah subhanahu wa ta'ala parfois il veut quelque chose qu'il n'aime pas pour un bienfait qui est plus grand que le mal de son existence, hein, ou de l'existence de ce que Allah n'aime pas. Par exemple, il dit comme la mécréance du mécréant. Allah il l'a voulu et il ne l'aime pas. Mais s'il n'aurait pas créé la mécréance des mécréants, eh bien il n'y aurait plus de sagesse dans la création de tout ça. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala lui-même, il dit dans le verset 2, dans surat At-Taghabun, c'est lui qui vous a créé. Et parmi vous, il y a le mécréant, il y a le croyant. Il y a le kafir, il y a le mu'min. Allah, il a voulu ça. Et il a voulu ça pour une sagesse. Hein? Il a voulu ça pour une sagesse, même s'il ne l'aime pas. Hein? Mais c'est comme si pour dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il a un plan. Et il a un projet pour la création. Et la conclusion de ce plan, c'est une conclusion qui est bonne. Et c'est possible que dans ce plan-là, ou dans les choses qui se produisent dans la création, Allah ait voulu des choses, non pas, il a voulu des choses qu'il n'aime pas, non pas pour elle-même, mais dans le but justement d'une sagesse qui est plus grande et qui est plus importante pour tester par exemple les êtres humains, pour tester les croyants et les non-croyants, pour tester les créatures. Si tout le monde était croyant, si tout le monde était obéissant, si personne ne faisait de péché, si Allah n'avait pas créé Iblis, hein, il n'y aurait pas de test, hein, il n'y aurait pas d'épreuve. Hein. Si tout le monde était riche, comment Allah aurait distingué entre le généreux et le pauvre? Comment il aurait testé les hommes par rapport à ce qu'il leur a donné? comme subsistance. S'il avait créé tout le monde en bonne santé, personne malade, hein, comment il aurait testé les êtres humains par rapport à leur santé, par rapport à la maladie, et leur faire reconnaître les grâces que Allah leur a données, et leur faire être reconnaissant de tout ça. Et comment il aurait distingué entre le reconnaissant et l'ingrat? Donc tout ça, c'est des exemples. Tout ce que Allah a créé et tout ce que Allah a prédestiné, il y a des choses parmi ces choses-là qu'il aime et il y a des choses parmi ces choses-là qu'il n'aime pas. Et il y a une sagesse derrière cela, hein? Et c'est pour ça que le cheikh, il explique, il dit que si Allah n'avait pas créé le croyant et le mécréant, eh bien, il n'y aurait pas de sens à l'ordre et à l'interdiction, et il n'y aurait plus de sens, hein, à tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala a créé. Et ces choses-là ne peuvent avoir de sens que s'il y a des différences entre les hommes, que s'il y a un croyant et un mécréant, un pécheur et un obéissant. Il dit ensuite: وَانْظُرْ إِلَىٰ قَوْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ. أي لهذا الاختلاف خلقهم. Et regardez ce que le cheikh, il mentionne ici. Il cite le verset, et on va le lire ensemble. Non, le verset 118 dans Surat Hud, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: on va lire la signification de ces deux versets que le cheikh a cités. Et vous allez voir, donc, ça va vous aider à comprendre encore mieux le sujet et la question. Il dit: et si ton Seigneur avait voulu, il aurait fait des hommes une seule umma, une seule nation. Or, ils ne cesseront d'être en désaccord entre eux, sauf ceux à qui ton Seigneur a accordé sa miséricorde, et c'est pour cela qu'il les a créés. Donc, je vais répéter la signification du verset encore une fois pour que vous compreniez mieux encore. Dans le verset en question, Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie: et si ton Seigneur aurait voulu, il aurait fait des hommes une seule nation. Tous les êtres humains sur la terre, ils auraient été une seule communauté, sur la même croyance, tous des mu'minines, tous des croyants. Mais Allah dit: mais or, ils ne cesseront d'être en désaccord entre eux. Hein? Allah, s'il aurait voulu, il aurait fait tout le monde croyant. Mais ils vont avoir des désaccords entre eux. Il dit: sauf ceux à qui ton Seigneur a accordé miséricorde. Et il dit ensuite: et c'est pour cela qu'il les a créés. C'est-à-dire qu'il les a créés pour qu'il y ait justement cette divergence entre eux, pour qu'ils puissent les mettre à l'épreuve. Des fois, quand il y a des divergences entre les musulmans, quand il y a des divergences entre les gens de la sunna et les gens de la bid'a, quand il y a des divergences entre des gens qui sont salafis et qui se disent salafis, et que tu vois qu'il y a une fitna qui apparaît entre eux, et il y a toujours une catégorie de personnes qui dit: ah, mais pourquoi il y a toujours des fitanes? Pourquoi il y a toujours des fitanes entre les musulmans? Pourquoi il y a toujours des fitanes entre les salafis, ou des choses comme ça? Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu qu'il y ait ces fitanes. Allah subhanahu wa ta'ala, il a prédestiné ces choses-là. Il les a voulu pour mettre les gens à l'épreuve, pour savoir qui est sincère et qui est hypocrite, qui est véridique, qui cherche vraiment la vérité et qui n'est pas sincère. Donc il y a une sagesse, dans ces divergences-là. Il y a une sagesse dans ces épreuves-là. C'est pas pour rien que Allah fait ça. Hein? C'est pour mettre les hommes à l'épreuve, pour les tester. Et c'est pour ça qu'il dit dans le verset: وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ. إلا من رحم ربك. Ils ne cesseront d'être en divergence entre eux, excepté ceux à qui ton Seigneur a fait miséricorde. Et c'est pour cela qu'il les a créés. Et il dit dans le verset ensuite, il dit dans le verset suivant, وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَوْلَا أَنَّ اللَّهَ خَلَقَهُمْ مُخْتَلِفِينَ مَا تَمَّتْ كَلِمَةُ اللَّهِ بملء جهنم من الجنة والناس أجمعين لأنه لا يمكن أن يدخل النار من ليس بأهلها. Donc qu'est-ce qu'il explique le cheikh ici? Il dit ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset suivant, et la parole de ton Seigneur s'est accomplie. Très certainement, je remplirai l'enfer de djinns et d'hommes tous ensemble. Donc le cheikh il dit, si Allah subhanahu wa ta'ala n'avait pas créé les hommes divergents entre eux, eh bien sa parole ne se serait pas accomplie. Hein? Sa parole ne se serait pas accomplie de remplir l'enfer de remplir l'enfer de djinns et d'hommes. Hein? Et il n'est pas possible de faire rentrer en enfer autre que celui qui le mérite. C'est pas possible de faire rentrer en enfer quelqu'un comme ça au hasard. Il faut que la personne en question mérite l'enfer par rapport à ses œuvres, par rapport à ses actions. Hein? Et c'est comme si par exemple quelqu'un parmi les créatures, Allah l'aurait mis en enfer par rapport à sa connaissance du rayb. Allah il sait déjà qu'il va être au paradis, qu'il va être en enfer. Hein? Alors il aurait pu prendre quelqu'un et le mettre dans l'enfer directement. Et la personne pourrait dire, oh Allah, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter l'enfer? Hein? Est-ce que yani, si j'aurais vécu ou j'aurais fait le test, j'aurais réussi le test? Allah subhanahu wa ta'ala, il nous fait vivre sur terre, il nous fait passer cet examen, ce test sur terre, c'est pour établir la preuve contre nous-mêmes. Pour que celui qui réussisse son test réussisse avec preuve, et celui qui échoue son test réussisse avec hein, échoue qui réussit son test et réussit avec les preuves, et celui qui échoue son test il échoue avec preuve. Hein? Quelqu'un aura plus d'arguments par la suite au jour de la résurrection, et malgré ça Allah il est miséricordieux et il pardonne beaucoup. Et parfois des gens qui méritent un châtiment, Allah il les châtie pas. Hein? Parfois des gens qui méritent une punition, il les punit pas, il leur pardonne. Et ainsi de suite. Et il y a beaucoup d'exemples de ça dans les textes. Donc le cheikh explique ça de cette façon par rapport à la volonté d'Allah dans sa création. Puis il dit ensuite, ثم لو كانوا على أمة واحدة وهي الدين فأين أهل جهنم فيكون خلق جهنم عبثا بل خلق الجنة عبثا لأنهم إذا كانوا كلهم على ملة واحدة فإنه ليس من المعقول أن يشذ واحد ويعصي. شيخ الزي بيسي زافتو سيتي كريي et qu'ils avaient tous été sur une seule umma, une seule nation, une seule religion, une seule croyance, et qu'ils étaient tous des mu'minines, tous les êtres humains sur terre. Alors dans ce cas-là, ils seraient où les gens de l'enfer? Hein? Ils seraient où les gens de l'enfer dans ce cas-là? Si tout le monde est mu'minine sur terre, c'est qui? Hein? C'est qui les gens de l'enfer dans ce cas-là? Et donc ça veut dire qu'Allah aurait créé l'enfer pour rien. Hein? Et il dit, et même qu'on peut dire qu'il aurait créé le paradis même pour rien. Parce que s'ils sont tous sur une seule et même religion, dans ce cas-là, c'est pas logique que l'un d'entre eux s'égare ou désobéisse. Hein? Donc aussi, c'est pour dire en fait que, yani, Allah subhanahu wa ta'ala, s'il a voulu qu'il y ait des croyants et des non-croyants, des mushrikines et des muwahidines, hein, et des gens de la sunna et des gens de bid'ah, c'est parce qu'il a voulu éprouver les hommes et les tester. Et il dit: وَلَمَّا قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْمُعْتَزِلَةِ سُبْحَانَ مَنْ تَنَزَّهَ عَنِ الْفَحْشَاءِ رَدًّا عَلَى قَوْلِ مَنْ يَقُولُ إِنَّ الْمَعَاصِي تَقَعُ بِإِرَادَةِ اللَّهِ وَهُوَ يُرِيدُ أَنَّ الْمَعَاصِي تَقَعُ بِغَيْرِ إِرَادَةِ اللَّهِ وَالصَّوَابُ أَنْ يَقُولَ سُبْحَانَ مَنْ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ فقال له السني سبحان من لا يكون في ملكه إلا ما يشاء وهذا رد دامغ عليه لأنه ما دام الناس في ملك الله عز وجل فتقول إن المعاصي تقع من غير إرادته إذن فكان في ملكه ما لا يشاء فهو سبحانه لا يقع في ملكه إلا ما يشاء فقال المعتزلي أرأيت إن جنبني الهدى وقضى علي بالردى أي بالهلاك أحسن إلي أم أساء فقال السني إن منعك ما هو لك فقد أساء وإن منعك ما هو فضله فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والهداية فضل من الله أرأيت لو أن 10 فقراء يريدون النوال منك فأعطيت 5 ومنعت 5 فهل أسأت إلى 5 الآخرين؟ لا، ولكن خصصت الذين أعطيتهم بفضلك. فأفحم الرجل وألقم حجرا. Donc regardez cet exemple que le cheikh il a mentionné. Il dit, lorsqu'un homme parmi les Mu'tazila a dit « Gloire à celui qui s'est purifié de la turpitude. » Et il a dit ça en voulant réfuter la parole de celui qui dit que les péchés se produisent par la volonté d'Allah. Et il dit, et lui, il veut dire que les péchés se produisent sans que ce soit voulu par Allah. Et qu'est-ce qui est correct, c'est plutôt de dire gloire à celui qui n'ordonne pas la turpitude, parce que Allah subhanahu wa ta'ala il dit inna Allah la ya'muru bil fahsha, Allah n'ordonne pas la turpitude. Alors le sunni, le musulman qui est sunni salafi, il a dit au mu'tazili gloire à celui que rien ne se produit dans son royaume excepté ce qu'il a voulu. Et ça, c'est une réponse qui a démoli complètement ce que le Mu'tazili voulait dire. Parce que le Mu'tazili, il croit pas en la prédestination. Et le Mu'tazili, il croit pas que Allah, il sait à l'avance ce qui va se produire. Il sait seulement après que la chose se soit produite. Ou bien, il ne croit pas que ce qui se produit, c'est par la volonté d'Allah. Allah al-musta'an. Donc ça veut dire c'est comme si on peut imposer quelque chose, on peut imposer notre volonté à Allah. Ça c'est ridicule. C'est comme Allah il veut quelque chose, nous on veut le contraire, puis c'est ce que nous on veut qui se produit et non ce que Allah a voulu. Ça c'est du kufr. Et donc le cheikh et le sunni lui a répondu, il a dit gloire à celui que rien ne se produit dans son royaume excepté ce qu'il a voulu. Et ça, c'est comme ça qu'il lui a répondu. Du moment que Allah subhanahu wa ta'ala, لأنه ما دام الناس في ملك الله, donc tant que Allah subhanahu wa ta'ala est, tant que les hommes sont dans le royaume d'Allah, alors tu dis les péchés qui se produisent, si tu dis les péchés qui se produisent sans que Allah les ait voulu, donc ça veut dire que des choses peuvent se produire dans le royaume d'Allah sans que Allah l'ait voulu. Et ça c'est pas possible, on n'a pas le droit de dire ça, parce qu'il n'y a rien qui se produit dans le royaume d'Allah excepté par la volonté d'Allah. Donc il dit فَهُوَ سُبْحَانَهُ لَا يَقَعُ فِي مُلْكِهِ إِلَّا مَا يَشَاءُ. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il n'y a rien qui se produit dans son royaume excepté ce qu'il a voulu. Alors le Mu'tazili, qu'est-ce qu'il a répondu après? Il a dit, vois-tu si Allah m'avait écarté de la guidance et qu'il avait décrété pour moi la perdition et l'égarement ou l'enfer, est-ce que tu vois qu'il m'aurait fait un bien ou un mal? Alors le sunni lui a répondu, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, s'il te refuse ce qui t'appartient, alors il t'a fait un tort, il t'a fait un mal. Mais si il te refuse quelque chose qui est une grâce de sa part, alors ça c'est la grâce d'Allah, il la donne à qui il veut. Et la guidance d'Allah fait partie de sa grâce. La guidance d'Allah fait partie de la grâce d'Allah. Et il dit, c'est comme si, par exemple, s'il y avait 10 pauvres, ok, qui te demandent de l'argent. Et toi, tu le donnes à 5 d'entre eux, puis aux 5 autres, tu ne donnes pas. Tu refuses. Alors il dit, il dit au Mu'tazili, est-ce que quand j'ai donné aux 5 et que j'ai refusé aux 5 autres, est-ce que j'ai fait du tort aux 5 autres à qui je n'ai pas donné? Hein? Non, il a dit non, parce que tu as décidé de faire grâce à ceux que tu as choisis en particulier. Et ça c'est toi qui décides, tu donnes ton argent à qui tu veux. C'est pas parce que tu as refusé de donner aux autres que tu leur as fait du tort. Alors l'homme, il savait plus quoi. L'autre, le Mu'tazili, il pouvait plus répondre parce qu'il lui a donné des arguments comme ça qui l'ont bouche bée. Et après, le Cheikh Ibn Uthaymeen, il continue, il dit وَهِيَ الَّتِي بِمَعْنَى الْمَشِيَةِ. Donc, il explique que الْإِرَادَةُ الْكَوْنِيَةِ, elle est dans le même sens que le mot arabe quand on dit الْمَشِيَةِ. الْمَشِيَةِ, c'est la volonté aussi. Et des fois, tu vois que dans certains livres, par exemple, quand ils parlent des attributs d'Allah, ils vont dire, par exemple, الْإِرَادَةِ والمشيئة. Et quand on veut traduire ces termes-là, des fois c'est un petit peu compliqué, parce que en français les deux c'est le même, c'est le même sens, la volonté. Donc tu dis la volonté. Bon, des fois j'essaie de nuancer un petit peu en disant la volonté et le vouloir, hein, la volonté et le vouloir. Mais disons que c'est pas facile à traduire dans des cas comme ça, lorsque des termes sont proches l'un de l'autre. Mais il faut comprendre une chose, c'est que al-mashi'a, c'est la même chose que al-iradatu al-kawniya. Al-iradatu al-kawniya et al-mashi'a, c'est des synonymes. D'accord? Il n'y a rien qui se produit dans la création, excepté ce que Allah a voulu. Et ça, c'est al-iradatu al-kawniya ou bien al-mashi'a, les deux. Écrivez ça, al-mashi'a et al-iradatul kawniya, c'est des synonymes. Les deux, ça veut dire la même chose. Écrivez-le comme ça se prononce. Al-iradatul kawniya et al-mashi'a, les deux, c'est dans le même sens. Ça veut dire que tout ce que Allah veut, ça se produit. Mais ça ne veut pas dire que Allah l'aime nécessairement. Et il donne un exemple de ça, une preuve de ça. Le verset 253 dans Sourate Al-Baqarah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا قَتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ. Regardez, Allah subhanahu wa ta'ala, il utilise dans ce verset les deux termes, hein? Al-Mashi'a et Al-Irada. Al-Mashi'a au début et Al-Irada à la fin. Écoutez bien le verset. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ. Quand tu dis Insha'Allah, ça veut dire quoi? Si Allah le veut, hein? Ça c'est Al-Mashi'a. Insha'Allah, hein? وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا قَتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ. يُرِيدُ, ça vient de Al-Irada, hein? Donc on voit qu'au début du verset, Allah utilise Mashi'a, il mentionne al-Mashi'a, la volonté, et à la fin, il mentionne al-Irada. Qu'est-ce que ça veut dire le verset ? C'est-à-dire, et si Allah aurait voulu, il ne se serait pas entretué. Mais Allah fait ce qu'il veut. Donc le cheikh il explique ce verset là. Il dit wa qawluhu wa hiya allati bi ma'na al-mashi'a ya'ni al-iradatu al-kawniyya muradifatun lil-mashi'ati tamaman. Fa ma'na arada ay sha'a. Ha wa mithalu dhalika qawluhu ta'ala ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد أي ما يفعل ما يشاء أي يفعل ما يشاء والإرادة هنا كونية لأن اقتتالهم ليس محبوبا إلى الله فكل ما ليس محبوبا إلى الله فإنه مراد بالإرادة الكونية. Écoutez bien ça. Et ça, c'est une règle. Pour bien comprendre, vous pouvez écrire cette phrase-là que je vais traduire. Je vais vous dire quand est-ce que vous allez écrire, ok? Pas maintenant. Donc, le cheikh, il dit, donc, que al-mashi'a, al-iradatul kawniya, c'est dans le même sens que al-mashi'a. Et il dit, c'est-à-dire que al-iradatul kawniya, la volonté d'Allah dans la création et dans la prédestination, est synonyme de al-mashi'a, complètement. C'est dans la même signification les deux. Et il dit dans le sens que quand Allah dit arada ou yuridu, ça veut dire la même chose que yasha'u ou bien sha'a. Et l'exemple de ça, c'est dans le verset ici, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit au début wa law sha'a Allahu maqtatalu, puis après il dit walakin Allah yaf'alu ma yurid. On peut remplacer yurid par yasha dans le sens, dans la signification, ça serait la même signification les deux. Walakin Allah yaf'alu ma yasha, les deux c'est dans le même sens, c'est-à-dire que c'est des synonymes. Et de quelle irada on parle ici quand il dit walakin Allah yaf'alu ma yurid? C'est de quelle irada qu'on parle? Est-ce que c'est l'irada al-kawniya ou l'irada al-shar'iya? Eh bien, le cheikh dit c'est l'irada al-kawniya. Et maintenant, je vais vous la traduire la phrase. Il dit ici c'est l'irada al-kawniya. Pourquoi? Il dit parce que le fait qu'il s'entretue n'est pas quelque chose que Allah aime. Donc, c'est ça la phrase que vous pouvez écrire. Toute chose qui se produit dans la création, ou dans toute chose qui se produit dans la création et que Allah n'aime pas, alors c'est voulu par sa volonté dans la création. Al-irada al-kawniya. Toute chose qui se produit et que Allah n'aime pas, alors c'est voulu par la volonté dans la création, c'est-à-dire al-iradatul kawniya. Oui, dans al-mashi'a, par conséquent, dans al-mashi'a, parce que al-mashi'a et al-iradatul kawniya sont des synonymes. Maintenant, je n'ai pas encore mentionné rien sur al-iradatul shari'a jusqu'à date. Mais je vais juste vous poser une question, et par cette question-là, vous allez tout de suite comprendre qu'est-ce que c'est al-iradatu shar'iyya. Si je vous demande par exemple, depuis tout à l'heure on a dit que dans al-iradatu al-kawniyya, Allah il veut tout ce qui se produit, même si Allah ne l'aime pas. Et que si quelque chose se produit et que Allah ne l'aime pas, ça veut dire que c'est al-iradatu al-kawniyya. Comment peut-on savoir que Allah aime ou qu'il n'aime pas quelque chose? Barakallahu fik. Alors, tu as maintenant, en disant ça, tu as toi-même expliqué un peu la signification de al-iradatu al-shar'iyya. Al-iradatu al-shar'iyya, c'est ce que Allah a voulu et qu'on connaît par sa révélation. Et c'est ça la différence. Parce que al-iradatu al-kawniya, on la connaît par ce qui se produit, par ce qui a lieu, parce que Allah permet dans sa création d'exister. Toutefois, la volonté d'Allah dans ce qu'il aime et dans ce qu'il n'aime pas, hein, volonté d'Allah pour savoir ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas, comment on peut le connaître? C'est dans sa révélation, dans sa législation, dans qu'est-ce qu'il a révélé. Et c'est ça, al-iradatu al-shar'iyya. Al-iradatu al-shar'iyya, c'est la volonté d'Allah qui est reliée à sa révélation. Donc comment on sait que, quand Allah dit, et si Allah aurait voulu, il ne se serait pas entretué. Comment on sait que Allah n'aime pas qu'il s'entretue? Comment on sait qu'il n'aime pas qu'il s'entretue? Parce que Allah, il a interdit le meurtre. Hein? Et Allah n'aime pas le meurtre. Et qu'on prenne la vie d'une personne injustement. Celui qui prend la vie, hein, d'une personne injustement, il a commis un crime. Hein? ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. Hein? Ne prenez pas la vie ou une âme que Allah a rendue sacrée excepté pour un droit. Hein? Donc ici, ça c'est un point que je voulais mentionner pour vous aider à comprendre, parce que des fois si on n'explique pas al-iradatu al-shar'iyya, c'est difficile à comprendre al-iradatu al-kawniyya. Parce que c'est comme si on dirait les deux sont d'une certaine façon reliés, interreliés, de façon à ce que, yani, si tu comprends pas la notion de al-iradatu al-shar'iyya, ta compréhension de l'irad al-kawniyya ne va pas être claire. Il faut bien comprendre les deux. Le cheikh, il a mentionné un autre verset pour faire comprendre al-iradatu al-kawniyya. Il dit dans le verset 34 dans sourate Hud, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit in kana Allahu yuridu an yaghwiyakum. In kana Allahu yuridu an yaghwiyakum. C'est le verset 34 dans sourate Hud. Encore la même sourate que tout à l'heure, sourate Hud. Donc on va lire la signification de ce verset, parce que ça c'est juste une partie du verset. Naam. Donc, on a dit 34. Oui. Donc, dans le verset au complet, Allah subhanahu wa ta'ala dit: "Wa la yanfa'ukum nushi in aradtu an ansaha lakum wa in kana Allahu yuridu an yaghwiyakum. Huwa rabbukum wa ilayhi turja'un." OK. Le verset, je vais vous lire en français la signification. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset ce qui signifie. Je vais vous lire le verset, après je vais vous poser une question pour voir si vous avez compris, ok? Vous êtes prêts? Hein? Il dit, et mon conseil, ça c'est qui est-ce qui parle ici dans ce verset? Allah subhanahu wa ta'ala, il cite ici Nuh alayhi salam, le prophète Nuh alayhi salam qui s'adresse à son peuple. Il dit: et mon conseil ne vous profitera pas, ou ne vous profiterez pas, au cas où je voulais vous conseiller et qu'Allah veuille vous égarer. Il est votre Seigneur et c'est vers lui que vous serez ramenés. Quand Allah subhanahu wa ta'ala il dit, in kana Allah yuridu an yaghwiyakum, hein, que Allah veuille vous égarer ou vous faire dévier. Quand Allah dit, quand il dit qu'Allah veuille vous égarer ici, ça c'est la volonté kawniya ou shara'iya? Ok, c'est kawniya. Et pourquoi c'est kawniya? Hein, il n'aime pas que les hommes soient égarés, il aime que les hommes soient guidés. Hein? Donc on a dit toute chose qui se produit et que Allah n'aime pas, c'est relié à sa volonté dans la création et dans la prédestination. D'accord? Donc le cheikh il explique ensuite ce verset là aussi. Il dit: wa qawluhu in kana Allahu yuridu an yaghwiyakum huwa rabbukum hadhihi iradatun kawniyah li'annahu la yuridu shar'an an yughwiya 'ibadahu bal qala Allahu ta'ala yuridu Allahu liyubayyana lakum wa yahdiyakum sunan alladhina min qablikum wa yatuba 'alaykum. Donc la preuve, hein, que ça c'est al-iradatul kawniya, il dit le cheikh que ça c'est l'iradatul kawniya. Pourquoi? Parce que Allah, dans sa révélation, il ne veut pas dévier ses serviteurs. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit même dans le verset 26, dans surat An-Nisa, il dit ce qui suit, la signification de ce qui suit. Allah veut vous éclairer, vous montrer les voies des hommes d'avant vous et accueillir votre repentir. Hein? Et Allah est omniscient et sage. Voilà ce que Allah veut, hein, dans sa révélation pour nous. Donc ça c'est la preuve que le verset qu'on a lu avant dans Sourate Hud, c'est un verset qui fait allusion à la volonté d'Allah dans la création et dans la prédestination, dans la création et la prédestination. Ensuite, maintenant, il passe à la seconde catégorie de, ou la seconde sorte de volonté. Il parle de al-irada al-shar'iyya. Il dit wa shar'iyyatun la yalzamu biha wuqu'u al-muradi wa la yakunu al-muradu fiha illa mahbuba. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la volonté d'Allah dans sa révélation, dans sa législation, il dit ça ne veut pas dire que ça va se produire. Mais il dit mais par contre, ce qu'il veut dans sa révélation ne peut être que ce qu'il aime, ne peut être qu'aimé de lui. Donc c'est le contraire de al-iradatul kawniya. Al-iradatul kawniya, on l'a dit, c'est obligatoire que ça se produise, mais ça ne veut pas dire que Allah l'aime. Al-iradatul shar'iyya, c'est le contraire. Ça se peut que ça se produise, ça se peut que ça ne se produise pas, mais c'est certain que, si, que c'est quelque chose que Allah aime. Tandis que dans l'autre cas, c'est que c'est obligatoire que ça se produise, mais ça se peut que Allah aime, ça se peut que Allah l'aime et ça se peut que Allah ne l'aime pas. Donc vous voyez là, que c'est un, c'est le contraire de l'autre, d'accord? Et il dit كَقَوْلِهِ تَعَالَى وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ. Non. Et ça c'est le verset 27 dans Sourate An-Nisa que le cheikh il a cité dans le texte, qui signifie et Allah veut accueillir votre repentir, hein? Et Allah veut accueillir votre repentir. Ça c'est al-irada al-shar'iyya, parce que c'est quelque chose que Allah aime. Allah aime la repentance, hein? Et ça se peut que quelqu'un se repente, ça se peut que quelqu'un se repente pas. Hein? Et il explique le Cheikh Al-Fawzan à propos de ça. Thaniyan shar'iyya. Shar'iyyatun wa la yalzamu biha wuqu' al-murad wa la yakunu fiha illa mahbuban lahu. Ay lillah ta'ala, fa hiya 'aksu al-iradati al-kawniyyati tamaman. La yalzamu biha wuqu' al-murad. بل قد يريد الله الشيء شرعا ولا يقع ولا يكون فيها إلا محبوبا لله فهي ترادف المحبة ترادف المحبة فلا يمكن أن يريد الله من عباده شرعا ما يكرهه أبدا بل ما يكرهه الله قد حرمه على عباده. مثال ذلك قوله تعالى والله يريد أن يتوب عليكم. Donc le cheikh il explique et il dit que, donc comme on a dit, la signification de la volonté d'Allah dans la révélation, ça n'implique pas que ça doit se produire. Toutefois, c'est uniquement ce que Allah aime. Et c'est-à-dire que c'est le contraire de la volonté dans la création et dans la prédestination. Et ça n'implique pas donc que ça va se produire. C'est ça, c'est-à-dire que c'est possible que Allah veuille quelque chose dans sa législation et dans sa révélation, mais que ça ne se produise pas. Et ça ne peut être que ce que Allah aime. Donc c'est un synonyme de l'amour d'Allah, de ce que Allah aime. Et il dit, c'est pas possible que Allah veuille quelque chose pour ses serviteurs dans sa révélation et que ce soit quelque chose que Allah n'aime pas. Impossible. Hein? Il dit plutôt, ce que Allah n'aime pas, c'est ce qu'il a interdit à ses serviteurs. Et l'exemple de ça, c'est dans le verset qu'il a cité, et Allah veut accueillir votre repentance. Et il explique ce verset-là en disant, wa qawluhu ta'ala wallahu yuridu an yatuba alaykum fal iradatu huna shar'iyyah la kawniyyah li'annaha law kanat kawniyatan la lazima an yatuba ala kulli nas. إذ إن الإرادة الكونية لا بد فيها من وقوع المراد بها لو كانت هذه كونية لكان الناس كلهم قد تاب الله عليهم ولكن يريد أي يحب أن يتوب عليكم وهذا أيضا هو الميزان للإرادة الشرعية أن تحل محلها المحبة وهي تكون بمعنى المحبة فالمحبة والإرادة الشرعية بمعنى واحد والمشيئة والإرادة الكونية بمعنى واحد. Donc écoutez ça, le cheikh il dit ici que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala il dit et Allah veut accueillir votre repentance, il dit ici donc ça veut dire que la volonté dans ce verset qui est mentionné, c'est la volonté d'Allah dans sa révélation, dans sa législation, et non dans la prédestination et dans la création. Il dit pourquoi? Parce que si c'était la volonté dans la création, ça voudrait dire quoi? Hein? Non, ça voudrait dire, on peut dire que ça voudrait dire ça. Non, pas nécessairement. Parce que c'est possible dans la création, dans la volonté, dans la création, que Allah aime quelque chose, mais c'est possible qu'il ne l'aime pas aussi. Tu comprends? Parce que qu'est-ce qui se passe dans la création, dans la prédestination de ce que Allah a voulu? Allah peut l'aimer comme il ne peut ne pas l'aimer. D'accord? Mais ici, hein, la preuve où le cheikh dit que si c'était dans ce verset, s'il parlait de la volonté d'Allah dans la création, dans la prédestination, ça voudrait dire que tout le monde devait se repentir. Hein? En fait, le cheikh il dit pourquoi? Parce que la volonté dans la création, ça doit absolument se produire. Donc si Allah il dit qu'il veut accueillir leur repentance et que on voit que certaines personnes se repentent et que d'autres ne se repentent pas, donc ça veut dire que c'est pas la volonté d'Allah dans la création et dans la prédestination, parce que sinon tout le monde devait se repentir. Hein? Et donc, ça voudrait dire que Allah devait accepter la repentance de tout le monde et que tout le monde devait se repentir. Mais ici, le terme yurid, c'est un synonyme de yuhib. C'est-à-dire que quand c'est la volonté d'Allah dans la révélation, tu peux le remplacer par il aime. Et ça va donner le sens de la volonté d'Allah dans sa révélation. Donc c'est comme s'il disait et Allah aime accueillir votre repentance. Ok, c'est ça que ça veut dire. Et il dit donc que la volonté d'Allah dans la révélation, tu peux la remplacer par l'amour et ça va donner la même signification, ça va donner le sens voulu ici comme dans ce verset. Tandis que, en ce qui concerne la volonté d'Allah dans la création et dans la prédestination, eh bien, tu peux le remplacer par Al-Mashi'a. Et dans ce cas-là, c'est un synonyme de Al-Mashi'a, la volonté. C'est-à-dire, yani, qu'est-ce qui doit obligatoirement se produire. Ok. Je pense qu'on va s'arrêter ici. ou bien on va mentionner l'exemple, puis après on va mentionner l'exemple, puis on s'arrête. D'accord? On va mentionner l'exemple, on va résumer, puis on s'arrête. Il y a juste deux points ici, deux paragraphes. Le cheikh il mentionne, après c'est fini. Le cheikh il dit, وَنَأْخُذُ أَمْثِلَةً عَلَى ذَلِكَ كُفْرُ أَبِي لَهَبْ كُفْرُ أَبِي لَهَبْ. Ok. Ok. Attendez, je juste... Ok, le cheikh il donne un exemple, mais je ne vais pas le lire tout de suite. Je vais vous donner l'exemple, puis je vais vous comme poser des questions pour voir si vous avez compris bien. Il donne l'exemple de Abu Lahab et de sa mécréance. Donc Abu Lahab, il était kafir et il est mort kafir. Allah subhanahu wa ta'ala, il a même révélé dans le Coran un verset sur lui qui mentionne qu'il sera dans l'enfer. Hein? Donc, la mécréance de Abu Lahab, est-ce que c'est voulu dans la création et la prédestination ou dans la révélation? Oui, dans la création. Pourquoi? Parce que le kufr, c'est pas quelque chose que Allah aime. Hein? Allah déteste le kufr. Et le cheikh il dit, نَأْخُذُ أَمْثِلَةً عَلَى ذَلِكَ كُفْرُ أَبِي لَهَبْ مُرَادٌ بِالْإِرَادَةِ الْكَوْنِيَةِ لِأَنَّ اللَّهَ يُبْغِضُ الْكُفْرُ وَكُلُّ مَا وَقَعَ مِمَّا يُبْغِضُهُ فَهُوَ مُرَادٌ بِالْإِرَادَةِ الْكَوْنِيَةِ. Donc tout ce qui se produit, Allah déteste la mécréance, et tout ce qui se produit de ce que Allah déteste fait partie de ce qu'il a voulu dans la création et la prédestination. Maintenant, il dit, وَإِيمَانُ أَبِي بَكْرٍ. وَعَلَيْكُمْ سَلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ. À propos de la foi de Abu Bakr, est-ce que c'est voulu dans la création ou dans la révélation? Ok, toi tu dis que c'est dans la révélation? Ok, pourquoi? D'accord. Et toi, tu dis la création, pourquoi? Pas besoin de parler de la connaissance. Tu dois parler de soit l'amour ou la volonté, hein, ou la prédestination. Donc, en fait, le cheikh, ça c'est un peu une question piège. Hein. La foi de Abu Bakr, c'est les deux volontés qui sont réunies. Parce que dans la réalité, il a été croyant et Allah aime la foi, donc les deux volontés sont réunies. La volonté dans la création, parce que ça s'est produit, et la volonté dans la révélation, parce que c'est quelque chose que Allah aime. Donc les deux volontés sont réunies par rapport à la foi du croyant. D'accord? Hein? Mais non, Abu Lahab, on a dit tantôt que c'est... Oui, c'est ça. Dans tout ce que Allah aime, c'est forcément les deux dans le cas où ce soit produit. Si je dis la foi de Abu Lahab, hein, là, Allah l'aime, mais il n'a pas voulu dans la création. Tu comprends? Non. Et c'est pour ça que le cheikh il dit وَإِيمَانُ أَبِي بَكْرٍ وَقَعَ بِالْإِرَادَتَيْنِ جَمِيعًا الْكَوْنِيَّةِ وَالشَّرْعِيَّةِ وَكُفْرُ الْكَافِرِ مُرَادٌ بِالْإِرَادَةِ الْكَوْنِيَّةِ وَإِيمَانُ الْكَافِرِ وَهُوَ لَمْ يُؤْمِنْ مُرَادٌ بِالْإِرَادَةِ الشَّرْعِيَّةِ لِأَنَّ اللَّهَ يُحِبُّ مِنْهُ أَنْ يُؤْمِنْ وَلَيْسَ مُرَادًا بِالْإِرَادَةِ الْكَوْنِيَّةِ لِأَنَّهُ لَمْ يُؤْمِنْ. Donc c'est ça qu'il dit. Le cheikh dit donc Abu Bakr radiallahu anhu, il a eu les deux volontés qui sont réunies dans son cas parce qu'il était croyant et Allah aime la foi, et يعني il a réellement été croyant, donc ça s'est produit, la foi pour lui, donc les deux sont réunis, al-kawniya wa al-shar'iyya. Tandis que la mécréance du mécréant, elle est voulue par Allah dans la volonté, dans la création. Hein, comme on l'a dit tout à l'heure pour Abu Lahab. Hein. Et il dit, la foi du kafir, s'il n'a pas cru, eh bien, elle est voulue dans la révélation, parce que Allah, elle est voulue dans la révélation parce que Allah aime de lui qu'il soit croyant, mais elle n'est pas voulue dans la volonté, dans la création, parce qu'il n'a pas cru. Donc, il dit le Cheikh, wal khulasa, al khulasa tu an al irada tanqasimu ila qismain. بدليل التتبع إرادة, إرادة, إرادة كونية وهي التي يقع بها المراد وتكون فيما يحبه فيما يحبه الله وما لا يحب وترادف لفظ المشيئة وثانيا إرادة شرعية وهي التي لا يلزم وقوع المراد بها ولا تكون إلا فيما كان محبوبا لله وهي ترادف المحبة وإنما قسم العلماء الإرادة إلى هذين القسمين لأن لا يقال إن الذي يكرهه الله لا يريده كما قال ذلك المعتزلة فيقال إن أردتم لا يريده شرعا فحق وإن أردتم لا يريده قدرا فباطل. Donc le cheikh il dit que ici, donc on peut résumer tout ce qu'on a expliqué depuis le début, c'est que la volonté d'Allah, al-irada, elle se divise en deux catégories, al-iradatu al-kawniya, et c'est tout ce qui se produit, hein, ça veut dire que Allah l'a voulu, et ça se peut que ce soit quelque chose que Allah aime ou quelque chose que Allah n'aime pas, et c'est synonyme de al-mashi'a, c'est synonyme de ce que Allah a voulu. Tandis que al-iradatu shar'iyya, eh bien, c'est possible que ce soit la volonté d'Allah dans la révélation, c'est possible que la chose en question se produise comme c'est possible qu'elle ne se produise pas, mais ce n'est que dans les choses que Allah aime. Et c'est synonyme de l'amour. Hein? Et il dit, pourquoi les ulama, ils ont divisé la volonté en ces deux catégories-là? C'est pour pas que quelqu'un dise, comme les Mu'tazila par exemple, que ce que Allah déteste, ça veut dire qu'il ne le veut pas. Et donc ça c'est ce que disent les Mu'tazila. Si Allah n'aime pas, ça veut dire qu'il l'a pas voulu. Et donc il dit, فَيُقَالْ, dans ce cas-là on va leur dire, si ce que vous voulez dire par ce que Allah n'aime pas, ça veut dire qu'il ne l'a pas voulu, si vous parlez de yani, la révélation, hein, non, si, in aradtum, si ce que vous voulez dire c'est qu'il ne le veut pas dans la révélation, dans ce cas-là c'est vrai. Ce que Allah n'aime pas, il ne le veut pas dans sa révélation. Ça c'est vrai. Mais si vous parlez de ce que, si vous dites, yani, si ce que vous voulez dire par là c'est ce qu'il ne veut pas dans la prédestination et dans la création, hein, ce qu'il n'aime pas c'est ce qu'il ne veut pas dans la prédestination et dans la création, dans ce cas là c'est faux, parce qu'il y a des choses qui se produisent dans la création que Allah n'aime pas. Et ça répond aussi à l'autre extrême des Jabriyah, ceux qui disent que toutes nos actions et tout ce qu'on fait c'est Allah qui nous force à les faire. On n'a pas de volonté de faire qu'est-ce qu'on fait. Si on fait un péché, c'est Allah qui a voulu qu'on le fasse. Donc on n'a pas de volonté, on n'a pas de choix. Et eux, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, tout ce que Allah a voulu dans la création, ça veut dire qu'il l'aime. Ça veut dire que, donc pour eux, tout ce que les êtres humains font, c'est aimer d'Allah. Donc ils renient le qadar. Hein? C'est comme si en même temps, c'est comme si ces gens-là, ils vont dire, si Allah il a voulu que je fasse un péché, si Allah il a voulu que je fasse un péché, ça veut dire qu'il l'aime. que je le fasse. Donc c'est quelque chose de bien. Parce que je n'ai pas le choix de le faire. C'est Allah qui me force à le faire. Et ça, c'est de l'égarement, yani. Hein? C'est comme si quelqu'un il fait le zina ou il vole. Il dit, mais ce n'est pas moi qui a volé, c'est Allah qui m'a fait voler. Hein? Ça, c'est... Hein? C'est ça. Pour eux, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. C'est comme ceux qui croient en Wahdatul Wujud. Ils disent que Dieu est tout et que tout est Allah. Donc, il n'y a pas de halal, il n'y a pas de haram, il n'y a pas de bon, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Tout est Allah. Hein? Et yani, chez les soufis, il y a des gens qui ont cette croyance-là. Hein? Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, comme on a dit tout à l'heure, s'il a voulu qu'on tombe dans un péché, il a voulu dans le sens qu'il l'a prédestiné et qu'il l'a créé. Il a voulu que le serviteur tombe dans ce péché-là. Mais par la suite, qu'est-ce qui est voulu par Allah dans sa révélation? C'est qu'on se repente. D'accord? Donc quand on s'est repenti de ce péché-là, alors là, dans ce cas-là, c'est bien. Et c'est pour ça que les ulama, ils ont, quand on va parler du qadar, parce que ça c'est le sixième pilier de la foi, c'est à la fin du livre. Mais ça, en même temps, ça nous montre le lien qui existe entre la foi en al-qadar et le tawhid. Qu'est-ce qu'on est en train d'étudier maintenant? Parce que là, on parle du qadar, malgré qu'on n'est pas rendu au chapitre de la foi en al-qadar. Mais le qadar fait partie du tawhid, parce que ça a un lien avec les noms et les attributs d'Allah. Hein? Et par rapport à... Qu'est-ce que je disais? Ah oui, c'est ça. C'est que... Redis-le encore. Ok, d'accord. Et qu'est-ce que j'allais dire? C'est ça. Là, je me rappelle qu'est-ce que je voulais dire. C'est pour ça que les ulama, ils mentionnent souvent que il est interdit de qu'est-ce qu'ils appellent en arabe c'est quoi al-ihtijaj bil qadar. C'est ça, les ulama ils ont dit il n'est pas permis d'utiliser le qadar comme excuse ou comme un prétexte pour justifier nos péchés. C'est pour ça, hein? Parce que si on distinguerait pas entre al-irada al-kawniya ou al-irada al-shar'iya, ça veut dire que quelqu'un pourrait en même temps utiliser la prédestination pour justifier ses péchés, hein? Et les ulama ils ont dit on peut utiliser l'argument de la prédestination dans les malheurs qui nous arrivent, des choses qui sont hors de notre contrôle, hein? Comme par exemple tu dis j'ai couru dans la rue et je suis tombé, je me suis cassé un pied, hein? Tu dis qadar Allah ma sha fa'al, tu utilises le qadar, tu mentionnes le qadar pour expliquer, hein, ou pour dire yani, c'était en dehors de mon contrôle, Allah il avait prédestiné ça, donc ça s'est produit. Yanni, je ne pouvais rien faire. Mais quelqu'un qui est sorti de chez lui, il est allé à la banque, il a fait un hold-up, hein, il a volé l'argent, ou bien il est allé, je ne sais pas moi, tuer quelqu'un, puis après il dit Qaddar Allah ma sha fa'al. Non, tu ne peux pas dire Qaddar Allah ma sha fa'al dans ce sens-là si tu ne t'es pas repenti de ce péché-là et si tu persistes à penser que c'est quelque chose de bien. Hein? Si tu t'es repenti du péché, puis que t'as fait tauba par la suite, t'as reconnu que c'était un malheur, Allah t'a éprouvé par ce péché-là, après tu t'es repenti, et t'es revenu à la droiture, et tu dis ensuite, يعني قدر الله ما شاء فعل. Ça c'est Allah qui avait prédestiné ça pour moi. Oui, dans ce cas-là, c'est quelque chose qui était prédestiné. Mais que tu persistes à faire le péché, que tu l'utilises comme le qadar comme un argument, comme si pour dire c'est correct, qu'est-ce que j'ai fait? Non, ça c'est pas acceptable dans ce cas-là. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui et on va en parler encore la semaine prochaine, bi'ibnillah. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.